Babi meli nga inze la moko Nebi bunde li nyoso na bango e palama sans effet Omo irame si mamira mabuko Ya mokeli alikolo na se Nzamberanga asaka na kate Sous-titrage Société Radio-Canada.